Sud. Radio Sud. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling. Hey, that can only mean one thing. I know when that hotline bling. That can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You made me feel like I did you wrong. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jules. 22h, minuit. Radio Sud.net 101.8. Yeah, la 25e, on est là. 22h, minuit, comme d'habitude, tous les jeudis soirs. Radio Sud.net 101.8. Ce soir, il fait encore très très chaud dans les studios. On a mis le ventilateur. On est en sueur sous nos t-shirts. Torse nu sous le t-shirt. Torse nu sous le t-shirt directement. Et là, je suis avec Moody. Donc, il y a Moody. En fait, ce soir, c'est Moody Bogota. Mais Bogota pouvait pas être là au final. Il a eu un petit imprévu. Donc, ce n'est qu'à charge de revanche, comme on dit. Et du coup, on est avec Moody ce soir. Comment ça va ? Tranquille. Ça va, hein. Tiens, hésite pas à bien t'approcher du micro. Ouais. Je règle en même temps. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, qui connaissent pas trop l'émission, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. On a une première heure réservée à un artiste ou un groupe. Donc ce soir c'est Moody Bogota. Interview. On va papoter. On va découvrir les morceaux. Et puis on terminera par un petit freestyle. Si t'es chaud, tu vois. Ouais, je suis là. Est-ce qu'on commence direct ? Jounès, est-ce que t'as un truc à rajouter avant de commencer ? Wesh. Aïe. Voilà. Si. J'en dis pas, je parle pas beaucoup, moi, tu vois, je parle pas trop. Ok. Ok, ce soir. Je parle pas trop. Tu t'entends pas ou quoi, c'est quoi ? T'entends pas ou quoi ? Ah, voilà, t'as vu, tu banalisais ma voix. Ok, c'est bon. Ok. C'est bon, je vais baisse un peu, quand même. Ok. Voilà, c'est bon. C'est le direct. Voilà. Donc, l'émission spéciale Moody Bogota ce soir, on a un petit rituel qu'on fait avec nos invités, je t'explique. On s'est amusé à faire un jingle et en fait, on aime bien que après notre jingle, l'invité ou les invités, ils nous font leur petit big up, tu vois. Okay. Radio Sud, 101.8, radiosud.net, tu dis ce que tu veux, tu vois. Ouais, c'est carré. Donc, ce que je propose, c'est que le DJ Jounès, il nous envoie le jingle. Là ça sert. Et puis que Moody du coup t'enchaîne et puis après c'est parti, on entame l'interview. C'est bon quoi? Pas de soucis. Brand new. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. C'est à toi, hein? À moi. Bah attends, vas-y, attends, repull up ça, comme Oula ça. Là, ça s'aime. Radio La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net 101.8. Restez branchés, Radio Sud. Écoutez ça, c'est léger. Bang, bang. Moody Bogota. Quoi? Je charge. Ah, oh, c'était un petit chargeur, Un petit chargeur. Un chargeur, hein. Ça, c'est quoi? C'est un chargeur de pistolet à eau, ça? Ah, ouais, ça tire. Donc, Maudit Bogota, si là, j'essaye de te trouver, enfin, de vous trouver, du coup, sur les réseaux, je tape quoi? Bah, sur Instagram, on a notre page rap, c'est Maudit Bogota, Maudit.Bogota-du-bas. Et sur YouTube, on a une chaîne, c'est Maudit Bogota, pareil. Ok. Pas de Facebook Non, même pas. C'est juste Insta et une chaîne YouTube, c'est tout. Ok, en fait, c'est le groupe, il est tout frais. Ouais, ouais, on a commencé en décembre, là. On a commencé à poster en janvier quelques petites vidéos, histoire de montrer qu'on est là, et voilà. Ok, ok. Donc, Maudit, ça s'écrit M-2-O-D-Y, Bogota, ben, comme Bogota, qui est la capitale de... La Colombie. Tu es sûr? La Colombie. Le gars, il te met la pression. Ok. Maudit, c'est le frère à Maudit Mike. Ouais, d'ailleurs, Maudit, ça vient de quoi, Maudit? Rien, c'était comme ça, en fait. C'est un coup de tête. Je me suis dit un coup de tête et j'ai pris Maudit comme ça. Non, il a en fait... Qu'est-ce qu'il va dire? Je te raconte l'histoire, c'est qu'il s'est pris un coup de tête, il me dit « Oh, je suis Maudit !» Je t'applaudis pour celle-là. Je t'applaudis. C'était juste un coup de tête comme ça, genre... comme ça. Maudit. Ouais, Maudit. Allez. Donc Maudit Bogota, donc ce soir, pour ceux qui viennent d'arriver, on n'a que Maudit, ben big up à Bogota. Qu'a loupé l'avion, voilà. Si vous voulez retrouver sur les réseaux, c'est maudit.bogota-du-bas sur Insta. Ouais. Et la chaîne officielle, c'est Maudit Bogota. Ouais, ok. Sur YouTube. Ce que je propose, c'est de balancer deux morceaux. Ouais, je vais les balancer un peu comme ça, tu vois. Ouais. Et après, les morceaux, tu peux nous en parler, nous dire où t'as posé, tout ça. Ok? Ouais. Yes. La 25e jusqu'à minuit, on est là, t'inquiète. Maudit Bogota. On est avec Oui Oui aussi autour de la table. Oui. Ça va, Oui Oui? Nickel, et vous? Ah ben, pépère. Oui. Donc, pour ceux qui connaissent pas Oui Oui, Oui Oui, c'est un des plus grands supporters du hip-hop bisontin. C'est le plus grand. On va se cotiser tous, on va te faire une médaille ou un trophée, c'est sûr. Ah ouais, grave. Donc Oui Oui, il est là, tous les concerts, tous les trucs, tu le vois partout, le mec. Tu lui mets une bière, un concert, oui, hip-hop, il est frais. Ben merci en tout cas d'être avec nous ce soir, Oui Oui. Quelles sont les infirmières? Ah, ça. On va discuter en off. Ça, c'est après. Ça, c'est pendant qu'on met le son que tu parles de ça. Yes, Maudit Bogota, la 25e, 22h minuit, radiosud.net, 101.8. Comme d'hab, on balance le son, c'est parti. Faites des démarches pour tous les fuckboys. Il y a du sirop. J'ai une bête de démarche pour tous les fuckboys, y'a du sirop. Bête de compète, j'te vois t'es bête, pas grave, on pète, j'veux que des sous. 2019, j'ferai tout, on arrache tout mon ref, à l'aise dans la chop. À deux, on va vous cabosse, vous avez les stats. Et Ayas 2S, c'est un pirate. Chevalier, collier de la cista, j'me sens comme Rafa. Tous les jours, j'rêve du million, on fond des mers comme Poséidon. Des flashs chaque nuit. Ayas 2S, à l'aise sur la Sono. Anderson réclame de la bonne, 200 sur la 7. J'te vois, hein, j'commence mon couplet. Allongé dans mon lit, je l'écris comme si j'étais au fond d'une grotte avec ta maman la cop. Tu rigoles moins, hein. Tu fais le bandit au micro, hey. Tu fais le bandit. Tu fais le bandit au micro, hey. Dis pas ce que t'as pas fait, hey. Pas besoin d'être mille pour te dégonfler, hey. Y'a besoin que d'un milli et d'une paire de couilles. 808 chevaux sous le capot. T'entends parler de moi, rigole pas trop, ça pourrait être ta sœur. Tu portes du Ernest, j'entends la haine dans ton cœur. J'entends la haisse dans ton cœur. Même dans la galère, toujours admiré dans César. Zar. Pour ma, je vais décrocher la couronne à César. Yo. Fais bien, Nathan, son mon ami, la cité, la tentation, les ennuis. T'as pas de moula, t'es pas bon en affaires. Donne-moi 1 million, les 10, je vais les faire. Elle veut du liquide, je lui en verse sur la tête. Yo. T'entends un tac, c'est le bruit de la gâchette. La gâchette. À 6 du mat, ça fait toc, toc. Sous le lit, ils ont trouvé le Glock. Le Glock. Ça fait 3 ans que t'as paniqué, tu vas cracher comme une flèche. Elle attend un bébé de toi, elle a t'a paniqué. Alors tu t'es fait un bon flash. Un flash. Ouais. Insulte ma famille et tu goûteras la balle. Ou le fer. Ou le fer. Tu chanteras allumer le feu avec Johnny en enfer. Ton compte est privé mais ton cul est public. Dis pas que tu pisses pas, t'as bien envie de nos grosses bites. Gucci, Prada, Dior. Pendant que je brasse, toi tu dors. J'ai le ok, j'ai trop teasé. J'ai baisé sans même sympathiser. Les retardés sont en train de gratter sur le raté. Non y'a pas d'amitié. Allez, colle, j'étais le cancre. Le cancre. Mais aujourd'hui, je plonge plume dans l'encre. Dans hey. L'encre. Y'a le fameux, le famas. Le famas. Tout cet argent qu'on amasse. Qu'on amasse. Dans ma ville, je suis devenu MVP. Précoce comme Mbappé. Féroce comme un viking, viking. Je vais monter d'échelon à échelon en laissant derrière moi que des victimes. Donne-moi la caisse, je suis prêt à encaisser. Ah, je crois que c'est la saison, faut bien assaisonner. Yo. Chiche. Hala, hala. Tu veux le bout de ma queue. Un deux. Ah, on a été piraté. Ayas 2. C'est des pirates cagoulés. Chiche. Hala, hala. Tu veux le bout de ma queue. Et le man, oh. J'dévore la prod comme le boule au loin. Regarde mes loups, sont tous détraqués, assoiffés par les sous. Oh. On peut rien leur enlever. Bah regarde ouais. Tes potos, sont tous jaloux. Ouais. Aujourd'hui, c'est tous des bandits. Ah. Tous des gueuches et bam, relance le son. Ouh. Et craque-moi cette prod, mon bigot sonne. Merde, encore Anderson. J'vais me la faire et j'vais couper les ponts. Appelle-moi Ayas 2S, toujours connu par ta sœur. Dans la job et les loups à l'arrière. Fini en CK, je veux bouger en boîte. Nous on veut plus y rentrer. Chacun ses occupations. Je m'occupe de tout et de rien. Assoiffé par les sous, on trouve les bons plans. Et fini patron, viens pas trop nous parler. Viens pas trop chouiner, tu nous parles de meurtre. T'as pas de dollars, la tête en l'air. On te baisse ta mère. Ah, tu veux le bout de ma queue. Ah, ah, ou un neveu. Ah, ah, Gucci, Prada, Dior. Pendant que je brasse, toi tu dors. C'est Dieu qui donne, mais sans travail t'as rien. Sur moi j'ai 5K, donc t'inquiète pas. J'suis bien l'habit, ne fais pas l'imam. J'suis chaud, j'suis dans la mam. 4 camps de bas, dans le 4-4 sur la 4 voies. Ramène la table que je la bois. Pas peu, ça sert à rien que ta boîte. Ta meuf t'a quitté, tu perdu. Toi tu veux une carrière de foot, mais on sait que c'est fou. Tu, ton passé est douteux, alors tu joues au faux cul. Faire de la musique et plus de l'illégal. Maman devient fière de moi. Ouais. Tu vas faire le fou, mais est-ce que t'es sûr de toi? Maman me dit dans la vie faut avoir des buts. Dans le game, je vais tout casser. T'auras le seum comme quand ta chérie pour dire va avoir tes buts. Elle veut que tu meurs pour elle. Mais la vie a ses côtés pourris comme quand tu sortais les poubelles. Toutes les nuits dures de trouver le sommeil. Et je me réveille au lever de soleil. Tu changes d'équipe en équipe, mais un jour tu tomberas sous balle soviétique. brassard au bras droit, je suis capitaine. Si on perce, ne nous suce pas, ne dis pas que tu nous aimes. Le temps fait son œuvre. Elle a une heure de sperme entre deux heures le soir. J'fume mon cigarillo en pensant à mon scénario. Yo, chaque jour tu relâches tes sous au loto en pensant pouvoir t'acheter une merco. Tu vois que ça marche pas. Rejoins-nous au bendo. Ma daronne voulait me voir à la Fnac, mais elle me verra aussi titre. Star, ma carrière de footballeur vient de commencer. J'parle bien de midi, minuit sur R&D. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net 101.8. La 25e, c'est l'émission spéciale Maudit Bogota ce soir jusqu'à minuit. Alors dis-nous, là on a diffusé deux morceaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Déjà, c'est des morceaux, c'est quoi? C'est des morceaux qu'on a enregistrés juste comme ça, tu vois. Genre okay. Sur un coup de tête. Ouais. Je les ai enregistrés dans un studio à Morapon. Ok. Et c'était rien de... On n'a pas de... En fait, on y va au feeling, toujours. Ok. On n'a jamais un truc dans la tête, genre... je sais pas, quand on va au studio, 20 minutes avant, on trouve une instru et on pose. D'accord. C'est comme ça. Ouais, c'est un processus créatif différent, quoi. Mais du coup, ça... Un son, par exemple, ce son-là, le dernier son, vous l'avez fait en combien de temps? Le dernier son, là? Ouais. Deux heures. Ouais, je l'ai... En fait, j'ai trouvé l'instru 20 minutes avant d'y aller. Ouais. Je me suis dit, ouais, elle pète. J'ai pris un texte, j'ai essayé d'amener, tu vois, genre de. Tu l'as pris où le texte? C'est moi qui l'ai écrit. Ouais. Donc, t'écris des textes sans instru? Ouais, ouais. Ok. Ok, ok. Quand je suis dans un mood, tu vois, bah, genre. Ah, moody, mood. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Et du coup, voilà, j'écris et après, je balance le son. Je fais comme ça et j'y vais. T'as quel âge, toi? J'ai 17 ans. 17 ans? Ouais, ouais. Ok, et t'as commencé là en décembre ou tu rappais déjà un petit peu? Non, j'ai commencé en décembre. Décembre, j'ai écrit mon premier texte et après, comme ça, genre ça venait une semaine, je me suis dit, ouais, vas-y, j'écris un texte et voilà. Ok. Mais du coup, est-ce que tu t'estimes comme un rappeur? Ah, je sais pas. Je sais pas en vrai. Genre, j'ai sorti qu'un son sur YouTube et rien de spécial. Non, t'as sorti qu'un clip sur YouTube? Ouais, qu'un clip. Ouais, parce que du coup, des sons, vous en avez quand même déjà un petit peu de côté. Ouais, on en a 6, 7, ouais, 8. Ok. Donc ça fait un par mois. Ouais, donc à ce rythme-là, le projet, il est fait dans 3 ans, là. Ouais, mais je suis pas pressé, en fait. C'est pas genre une priorité. C'est juste, je fais ça pour parce que j'aime bien, tu vois. Ok. Genre, voilà. Okay. D'accord. Donc 17 piges, ouais. Moody, ton collègue Bogota, il a quel âge, lui? Il a 18. Il est plus grand, okay. Ouais, ouais. Et vous venez d'où? Moi, j'habite à Planoise, là, je suis okay. De Saint-Claude. Ok. Et lui, il vient de Pesti. Ok, d'accord. D'où? Pesti. Pesti, c'est vers le Rosemont. Ouais, c'est vers la Malcombe. Ouais, ouais, exact. Donc, Moody Bogota, ben, je t'ai posé la question tout à l'heure, pourquoi Moody Bogota? En fait, c'est vos blazes associés. Ouais, ouais, c'est sur un coup de tête, toujours sur un coup de tête. Donc là, vous êtes sûr de garder ce truc-là? Peut-être que ça change ou tu sais pas. Je sais pas. Tu sais pas encore. Je sais pas encore. Mais pour l'instant, j'aime bien. Tu vois, genre ouais, les gens, ça sonne bien. Ouais. Ça sonne bien. T'es de quelle origine, toi? Moi, je suis yougoslave. Yougo. Ouais. Ok. Et ton collègue? Lui, c'est un macédoine. Ok, ouais. Macédonien. C'est un mélange explosif, un peu. Ouais, ouais. Si, si. Ouais, ouais. Bah, tu sais, bah, je crois que vous êtes les premiers rappeurs de l'Est, hein, en fait. Hein. Je crois. On dirait. Si, si. Il en est où le rap yougoslave là? Oh, j'en sais rien, j'écoute pas ça. J'écoute pas? Non, j'écoute pas ça. T'écoutes quoi toi en fait? Moi j'écoute que 13 blogs, genre des gars de la trappe un peu. Ok. Chebe, Leto. Zola, non? Si, j'aime bien un peu, mais pas trop. Ok. Pourquoi plus 13 blogs que Zola? Parce que 13 blogs, ils ont une personnalité, tu vois, genre ça pète leur son. Genre ça ambiance bien, alors que Zola, genre c'est chelou. T'arrives pas, ça ouais, j'arrive pas trop à accrocher. Il fait des bons trucs, mais j'aime pas trop. Vas-y. Oh, chacun ses goûts, hein. Ouais, ouais. Goûts. Et en dehors du rap, parce que j'imagine que tu fais pas que ça dans la vie, tu vois. Non, je fais pas que ça. Je suis en cours, je suis en terminale, là. Okay. En bac pro microtechnique à Julag. Et yes. Là, j'ai passé mon bac, j'attends mes résultats demain, et voilà. Ok, bah on va croiser les doigts alors. Ça se trouve, t'auras même pas tes résultats. Hein. Parce que là, les profs, ils font des grèves. Ils veulent pas donner les résultats, tout ça. Ouais, ouais. Ah ouais. Ça se trouve, tu vas faire. T'as été bon toute l'année ou quoi? Ouais, j'étais. Parce ouais, que bon. Le contrôle continue si jamais. Ouais, ouais, j'étais bon, ça va. Ok. Nah-ha. T'es un sportif, j'ai fait du basket pendant 3 ans. Ok. J'ai arrêté. Et je faisais du tennis aussi pendant 2 ans, quand j'étais plus jeune. Ah, moi, du tennis. Ouais, basket, tennis. Ouais. Bien, bien. Bon sportif. Ouais. Que ça ou. Dans tes hobbies, c'est surtout sportif ou t'es un gars qui kiffe les films, je sais pas, tu vois, les séries. Je suis qu'un sportif, moi. Okay. J'aime pas trop les séries, tout ça. Genre. Ça m'inspire pas. C'est vrai que sur les photos, c'est toi qui as souvent les maillots de basket. Hein, Je viens de capter. Là. Ouais, je regarde souvent la NBA, tout ça, ouais, j'aime bien. Ok. T'es timide un peu, toi, non? Non, non, je suis toujours comme ça. Ouais. Genre, je suis comme ça, je parle comme ça. Ah, tu... T'as essayé de l'imiter, mais il t'a devancé, en fait. Si, si. Écoute, moi, j'ai un petit jeu à te faire avant de réécouter des deux autres morceaux. C'est simple, c'est le texte à trous. Je le fais un peu à tout le monde, tu vois. Ouais. C'est pour un peu cerner ta personnalité, tu vois. Attends, je vous mets une insoupée de sa mère pour ça. Vas-y. Non, mais vas-y, parle. J'ai peur. Tu sais, j'ai peur parce que lui... Non, ouais. C'est une insoupée. Big up à Rage Prod, voilà, au passage. Alors, c'est simple, je commence une phrase, tu finis la phrase. C'est tout simple. Vas-y. Ma plus grande fierté, c'est... Ah, je t'ai pris au dépourvu direct. La plus grande fierté, c'est la famille. C'est la famille? Ouais. Vous êtes une grande famille, vous? Non, j'ai une sœur et un frère. Ok. Mais pourtant, chez les Yougoslaves... Ah ouais, non, mais j'ai demandé parce que moi, pour moi, c'était grande famille. Vous êtes beaucoup! Grand tapis non, sur la terrasse. tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai quatre frères et une sœur. On est cinq dans la famille, ouais. Yes. Tout le monde est là, vous vivez tous ensemble, tout ouais, ça? Ouais, ouais, ouais. Ok. Si, si. Mes deux plus gros défauts. Je suis têtu. Et. Des fois, je suis. Je sais pas si c'est un défaut. Des fois, je suis méchant. Genre, je sais pas comment le dire. Alors, méchanceté gratuite ou quoi? Voilà, genre, comme ça. En fait. Je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui placerait méchant dans les, dans, ouais, je sais pas, mais... dans les qualités. Tu vois pas beaucoup. Tu vois, mais... Ah, je sais pas. Je suis têtu et. Je sais pas ce que je pourrais dire. Têtu et méchant. Ouais, ouais. Genre, c'est quoi ta dernière méchanceté que t'as fait là? Ah, c'est avec les filles, hein. Ah. Est-ce qu'on peut en parler? Bah ouais, moi, je te lance dans le truc, tu me dis avec les filles, vas-y, dis-nous. Bah, je sais pas, c'est genre, exemple, je parle à une fille, tout ça, on s'entend bien, et après, tu sais, je la bloque, et voilà. Tu switch? Voilà, je. Ah, mais là, tu bloques juste en parlant? Ouais, genre, je vais la voir une fois, et après, pas que je la bloque, c'est fini. Ils sont vous les très méchants. Ok, mais bah du coup, gros défaut, grosse qualité. Tes deux plus grosses qualités. Bah, je suis gentil. Bah, je sais pas, je suis généreux et peut-être je donne trop d'importance à des gens que tu vois qui le valent pas. Ouais, ok. Bah paye ta. Paye attends, ta... Ça s'appelle comment ça? De quoi? Être généreux? Non. C'est quand t'arrives à Radio Sud et que tu payes à boire à tout le monde. Non, voilà. Non. C'était pas la générosité. C'était, tu sais, quand tu peux. Ouais, t'es tu naïf. Tu considères des gens qui, ouais, qui peuvent. Ouais, pas... la naïveté. La naïveté. Ouais, naïveté, ouais. Ouais, la naïveté. Après, c'est pas tout à fait ça, mais bon. Ouais. On disons, peut dire ça comme ça, ouais. Okay, ça. C'est une sorte de naïveté, quoi. Voilà. Ok. Si je devais définir mon rap. Je dirais qu'il est... allez, t'as le droit à trois réponses. Comment ça, genre mon rap Si là, tu devais définir ton rap. Je sais pas. J'ai pas de... Je pourrais pas le définir, en fait. C'est... J'ai rien. Déjà, c'est... Moi, j'aurais dit... Par exemple, moi, je dirais percutant, tu vois, si je devais... T'es percutant. Bah là, moi, j'aurais dit à l'instinct, tu vois. Parce ouais, que, à coup, l'instinct, ouais, dis... c'est trash, c'est... C'est... Trash. Ouais. Trash, ça passe, hein. Moi, je dirais, moi, j'ai même une question à rebondir là-dessus. Enfin, je rebondis là-dessus. Est-ce que t'es conscient de ce que t'écris des fois? Ouais, ouais, je suis conscient, ouais. Okay. Genre, je suis dans un mood, j'écris tout ça, après, je me relis, j'essaie de. Ouais, ouais, je suis conscient. Ouais, mais t'es conscient de ce que tu dis? Ouais, de ce que je dis, ouais. Tout, du tout. Sens des trucs que ouais, tu ouais, dis. Ouais, ouais, tout ce que je dis, ouais. C'est réfléchi, en fait. Ok. Ouais. Donc, trash, moi, j'ai gardé trash pour l'instant. Il est que trash, ton rap? Ouais, les trash, hein, y a rien de spécial en vrai. Ok. Bon, après, c'est les débuts, hein, aussi. Ouais, hein. Il a le temps d'évoluer, hein. Tu parles à moi? Ah, non, mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je parle à vous deux en même temps. Hein. Ouais. Ben, ouais, non, ouais, mais... Parce que là, en fait, ça se compte en... tu m'as dit décembre. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ça fait très peu. Ça fait très peu. Ouais, ça fait 5 mois, 6 mois, un truc dans le genre. Mais okay. En 5 ans, 5 mois, 6 mois, t'as eu le temps de sortir un clip. Ça, c'est une chose que. À l'époque, nous, les anciens, entre guillemets, tu sortais pas un clip en 6 mois de rap, quoi. Tu vois, fallait, on attendait un peu plus longtemps, hein, ouais, genre des années déjà... même, tu vois. Ouais, en fait, je voulais faire un son, genre perfectionniste, pour qu'il soit tout parfait, tu vois, pour qu'il puisse péter. Mais du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas balancer un clip comme ça, tu vois. Genre, sur un son. Donc là, sur les autres trucs à venir, là, ça va péter. Bah, j'espère, hein. J'essaie de faire des bons trucs, là, pour l'instant, mais j'espère, hein, je vais voir. Est-ce que vous, du coup, vous êtes dans une optique comme ça de viser, entre guillemets, je sais pas, un objectif de nombre de vues, ou j'en sais rien, ou dire qu'il faut que j'ai une certaine reconnaissance ou, bah, tu vois. Bah franchement, non, pas vraiment en fait. Moi je fais ça juste parce que je suis passionné, tu vois, j'aime bien rapper. Et si je pouvais évoluer, tu vois, genre ce serait cool, tu vois, j'aimerais bien, tu vois, comme tout le monde, mais sinon... Ok. Je suis pas t'as, trop... T'as commencé comme ça en fait. Ouais, en fait, ouais, j'ai commencé comme ça, en fait, je regardais les autres. Je me suis dit ouais, pourquoi pas, et du coup j'ai essayé et j'ai vu que j'avais un truc, tu vois. Ok. Voilà. Yes. C'est quoi ton truc? Toi, pourquoi toi par rapport à un autre? Bah, si là tu devais te vendre là maintenant. Pourquoi toi par rapport à... Parce que j'arrive à m'adapter sur tout type d'instru en fait. C'est, je sais pas pourquoi, mais quand j'écoute une instru, même si je suis pas dans ce mood là, bah j'arrive quand même à rentrer dedans, tu vois. Ça veut dire là pour le freestyle, je choisis les instrus et tu rappes. Ouais, je peux essayer, ouais, pas de soucis. Ok. Ah, oh, c'est bien ça. Ok, ce qu'on pourra faire pour le freestyle, c'est que je mets une instru. Ou ce que tu veux. Ah, oh, mais vas-y, si t'en as. Je mets une instru au hasard dans notre playlist. Ouais, ouais. Et puis après, on met la tienne. T'as pas le droit de switcher. T'as pas le droit de bégayer. Ok, ok. Okay. Sinon, tu payes ta graille. Ah, ouais, ouais. Ok. Écoute, je fais quoi? Je mets un ou deux morceaux. C'est toi qui choisis. Ah, vas-y, deux morceaux. Hein. On balance deux morceaux. Écoute, on fait pareil. Je balance. Après, tu nous en parles au calme. Ok, ok. Pas de soucis. Ok, Moody Bogota dans la 25e jusqu'à minuit. On est toujours branché sur radiosud.net 101.8 avec les adlibs de Jones. C'est un bruit de chargeur pour ceux qui n'avaient pas compris. Moody Bogota, on envoie deux sons et après on continue l'interview. Yes. Eh ouais, poto, eh ouais, poto. La frappe est cachée dans le Merco, le Merco. Viens chez nous, c'est le Zbun. Tu peux demander à Moody, on a tout ce que les clients veulent, clients veulent. Ouais, tu peux demander à Moody, on a tout ce que les clients veulent. Casque rouge, c'est Max Mat, ta copine rien qu'elle me mate. Pina Colata, au bord de Nice, votre carré bulle, t'inquiète, ça glisse. Elle me demande une top, je crois bien je vais la refuser. MDR, qu'est-ce que je suis mauvais, une grosse le pour bien profiter au bord de la piscine. Je peux m'évader, Mantaway et le goût du narki. Les pleins d'essence, tard la nuit je vais barauder. Tout ce que l'on a coffré en hiver, je vais tout claquer. On n'a qu'une vie, faut bien profiter. Chérie, mets pas les birks, mets les Versace. Sable fin, le soleil tape fort, je vais bronzer. Petit cocktail dans les hauteurs de Saint-Tropez. Même en vacances par les keufs, je suis contrôlé. Mais malheureusement pour eux, y'a rien à déclarer. Ma chérie, cache tes fesses, je vais faire un homicide volontaire. Sous les palmiers, je lâche pas mes affaires. Bébé, tu m'as piqué et toi tu meurs pour moi, faut pas le nier. Je te veux pour la vie, pas que pour la nuit, tu me fais chavirer. Si je tombe, tu seras là toujours pour moi. Crevé jeune et riche ou pauvre et vieux, à toi de faire le choix. Suis-moi dans ma folie, ma chérie, en haut du trône, on sera ses promis. Mariage de princesse sous sable fin. Pour 20 bacs, je te mets ta mère, majeur en l'air, les poteaux en boucan. Je refais des doigts dans la Megan, hey, je déterre sur le monster. 6 fois 6 avec Iris, t'as 0 dollar, tu me parles de me har. Je fais à la Rafa et je repars sous Prada. Ma mère me dit que je suis mignon garçon, et fuck leurs humiliations. Demande à ton ex comment est Dogin, face au canon si et expert à Miami. Lâche ton nom vert, grosse tasse, 06, je suis sur le corner. Les poteaux deviennent des tapes et c'est plus transpire. Je vais mourir comme un homme, je suis toujours le même. C'est pas une poussi qui va m'influencer, bitch. Cheval cabré sera sur le carrosse pour le cortège. Personne te touchera pour la vie, je te protège. On a beau se quitter mais entre nous c'est jamais mort. Toute la nuit on fait trembler les murs et t'en redemandes encore. Ouais, t'en redemandes encore. Je vais pas te mentir, y'aura des hauts, y'aura des bas. Sur nous tes copines font des débats. Bébé, je te trouve, mais c'est pas ce que tu crois. Je fais de toi ma reine, feras-tu de moi un roi? Donne info blaze et paye en cache ta chambre d'hôtel. Je suis en affaire, je t'appelle avec mon deuxième phone tel. Fais tes valises, on se barre d'ici. Dis à ta mère, tu sais pas quoi te revient. Soirée à Monaco, Jean Balmain et père de Louboutin. Ouais, père de Louboutin. Eh ouais poto, eh ouais poto. La frappe est cachée dans le merco, dans le merco. Viens chez nous, c'est le sbeul. Tu peux demander à Moody. On a tout ce que les clients veulent, clients veulent. Ramène-nous deux, trois de tes copines. Sur la route du succès, j'arrive en bolide. Pas de chèque, que du liquide. Hier encore, je me faisais courser par la BAC. Demain, mon CD sera sûrement à la BAC. Mais aujourd'hui, je regarde tout ce qui se passe devant moi. Tu as l'impression que tout le monde est muet parce que personne parle de toi. Pour me marier, faudra bien plus qu'une pute. Je suis tombé tellement bas que pour me relever, faudra bien plus qu'une grue. J'ai plus de blocs que d'amis. Trompe-toi pas de table, va passer l'ouïe à l'ennemi. Si les amis se comptent sur une main, alors coupez-moi tous les doigts. T'écoutes plus Faudel qu'Onizuka pour toi. J'prendrai tous les risques, je te déclarerai ma flamme devant une pompe à essence. Réfléchis à ce que je viens de dire, tu comprendras peut-être le sens. Dans la tête, y'a pas de règles, alors rangez vos tampax. Tagadi te quitte, t'es furax. En haut du trop, j'y serai. Tu me verras venir de loin en série 7. Nique sa mère, l'école chez nous, les cartables servent de cage de foot. Tu voudrais arriver à mon niveau, mais t'as encore de la route. Brabus, série limitée, car noir comme vitaté. À fond dans la chop, 200 sur la scène. Prends des cours de crédibilité, ensuite parler, tu peux te permettre. Sur nous, les comptes des enquêtes, ils se demandent où sont cachés nos savons nets. Ici c'est Ayas 2S au micro. Tu m'as reconnu grâce à la sono. Le bigot sonne. Anderson me réclame de la bonne. Baby rejoins-moi dans ma house. 23h fatigué 1%. Matrixé par les 100. 4 saisons passées en 4 ans. Appel masqué. 2-3 billets violés. BJ fait des sons. Toi tu me la pompes. Sale ta bouche. Genre je bouge. Alors bitch, dis-moi ce que tu veux. Le bout de ma queue ou un neveu. Sale l'histoire, fly comme tailleur. La monnaie n'a pas d'heure. Tu ne comprends l'arrivée de tous ces rappeurs. Stop, mélange ta substance. Mets-toi bien dans mon bain. On va parler, on va danser. Tu vas doguiner indéterminé. Je vais te soulever sans pitié. Yeah. Chiche. Radio. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, la 25ème. Désolé, on a un souci de prise de jack. C'est un petit peu insupportable. La 25ème, on est là jusqu'à minuit avec Moody Bogota. Donc, Moody, là, il nous a passé deux morceaux. Le dernier a été clippé par notre frère. Oui. Oui, oui, exact. On va faire dans l'ordre. Le premier était dans une ambiance un peu différente en fait de tous les autres morceaux. Comment tu passes d'un mode, on va dire trap à mort, tu vois, à un mode un peu c'était été, tu vois. Enfin, je sais même pas comment dire, tu vois. C'était en mode. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah en fait, c'est Bogota en fait. Il a proposé de faire un son d'été, tu vois. Donc c'était les tendances et je me suis dit ouais pourquoi pas tu vois, mais c'est pas trop mon mood de base. Ok. Et du coup bah je me suis dit vas-y pourquoi pas et je me suis lancé et voilà. Ça s'est fait tout seul en fait. Ok. Et c'est un son aussi enregistré à mon rap ouais, ça. Ouais. Okay. Tous les sons ils sont enregistrés là-bas. Ok. Ouais. Yes. Et le deuxième du coup c'est George Bush. Ouais ça c'est le tout premier son qu'on a fait. Ok. Et voilà on a reposé, en fait on l'a fait une fois dans un studio chez Sasori. Okay. Et on a reposé au studio de Morapon pour bien mixer le son, etc. Vu que chez lui il n'y avait pas trop de sono, etc. Yes. Et du coup, voilà, on l'a clippé direct. Ok. Donc, comme disait Jounes, c'est le poteau frère gras qui a clippé, paix à son âme. George Bush, toujours dispo sur la chaîne. Ouais, ouais. Sur la chaîne Moody Bogota. Donc, allez voir. Le mec, il sort en quad et tout, tu vois. Moi, j'avais une question. Moi aussi, sur un des sons qui vient de passer, là. Ouais, vas-y. Bah, commence. Vous avez ce que les clients veulent. Les clients, ils veulent quoi? Ça, je peux demander à Bogota, ça. Ah, tu te caches comme ça. Ah non, moi c'est pas mes paroles. Tu vas le voir lui. Ok, tu fuis. Bah quoi, ils veulent des, tu sais, les trucs illimités et tout. Ouais. Et ils veulent les nouveaux iPhone. On lui demandera. Ah ouais, t'inquiète, tu vas lui demander, il va venir. Écoute, attends, moi ma question, merde, du coup tu m'as bluffé là. Bleu. Je sais plus c'était quoi. Bleu. Non. Bah écoute, je la reposerai après, elle va me revenir en tête. Je vais te poser des questions un peu sur tes influences, ton point de vue sur le rap, des trucs comme ça, des anecdotes. Si t'as un artiste là qui te vient en tête direct, qui est une référence pour toi, ce serait qui? Didi Trix. Ouais. Ok. Donc lui, il est nouvelle génération aussi. Ouais, c'est une nouvelle génération. Ouais. J'aime bien son comportement, sa manière de poser, etc. Ok. Il fait des bons sons, ouais. Donc lui, il est signé, j'ai vu, je crois. C'est pas Awa? Ouais, Awa, ouais. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Donc Didi Trix, un album référence pour toi, là, direct. Un album. Je pourrais dire lequel. Si t'en as un que tu devrais vraiment, tu vois, sortir du lot plus que d'autres. Le dernier de 13 blocs. 13 blocs. Ouais. Ok. Ton morceau du moment. Un morceau que t'écoutes en boucle. Fuck le 17 de 13 blocs. Ok. Est-ce que tu l'as vu cette vidéo? Je crois qu'ils ont fait une scène. Je sais plus où c'était. Je crois que c'était à Paname. Un concert. Ils ont fait Fuck le 17. Ouais, ils ont fait un pogo. Oh, ils ont écarté tout le monde. Ah ouais, ils ont lancé le son. C'était ce gars, mon gars. Ouais, pas te cacher, 13 blocs, je. Non. T'arrives pas? Moi, j'ai pas bien eu, kiffé, j'ai pas eu la curiosité, tu vois. Ah ouais, moi j'ai bien kiffé. Hein. J'ai bien kiffé. Après, ils sont particuliers, tu vois. Mais pour moi, niveau groupe actuel, après, c'est que mon avis. Hein. Mais pour moi, niveau groupe actuel, c'est ceux qui ont ramené. La coupe à la maison? Non, ils ont pas ramené la coupe, mais ils ont ramené un nouveau délire, tu vois, un peu trap, un peu. Dans un style en plus un peu vestimentaire différent, tout. Tout se ressemble, hein, mec. Hein. Bah, ouais, faut écouter, faut se faire son propre avis. Je te dirai ça la semaine prochaine. Yes. Donc, morceau du moment, Fuck le 17, album référence 13 blocs, artiste Didi Trix, et clip du moment. Clip du moment, Niska, WLG, le dernier qu'il a fait, là. Ok. Wesh le gang. Ouais. Ok. J'aime bien, c'est propre. Ok, est-ce que tu écoutes que du rap? Ouais, j'écoute que du rap. Tu te butes au rap, quoi. Ouais, j'aime bien le rap. J'aime pas trop écouter. Je sais pas, c'est bien, moi j'aime bien. Ok. Donc ouais. T'es un mec rap que français ou non, rap? Non, j'écoute américain, du rap US, ouais. Des fois j'écoute. J'écoute Lil Baby, Blueface. Ok, donc les actuels, quoi. Ouais, j'aime bien. Ok. Dans quelle case on pourrait vous ranger? Si là, t'arrives, tu dis, écoute, t'arrives chez Def Jam Besançon, là, tu leur dis, écoutez, nous, on est Moody Bogota, on fait tel genre de rap. Tu dirais que si on devait te ranger dans une case. Hein, de la trap. Hein. Ok. Ouais, de la trap. Est-ce que la trap, c'est du rap pour toi? Pas vraiment, genre, c'est compliqué, en fait. C'est bizarre, mais... Vas-y, ouais. C'est un style de musique. On a encore une heure et quart. Hein. Explique-toi. Développe. C'est un style de musique en fait. Je sais pas comment expliquer, mais moi ça vient tout seul en fait. Quand je pose, c'est comme ça. En fait, j'ai tellement écouté de la trap que du coup, à force, bah, quand je pose, quand j'écris, bah, c'est. Il n'y a pas de prise de tête quoi. Il n'y a même pas de réflexion. Enfin, de réflexion. Ouais, ça sort. Il n'y a pas de prise de tête, machin. Ouais, il faut que ça rime comme ça, comme si. Non, moi quand j'écris, ça va au feeling en fait. J'écris une phrase. En fait, c'est quand je suis dehors, exemple, bah, quand j'ai une phrase qui me vient, qui est bien, bah, je l'écris. C'est comme ça. Ok. Ouais, ça se tue pas sur l'écriture comme. Non, pas comme trop. Avant, quoi, entre guillemets. T'as déjà écouté du Tupac? Tupac, ouais, j'ai déjà écouté quelques sons, mais je connais pas trop particulièrement. C'est pas ton truc? Non, pas trop. Ah, c'est un enfant de la trappe, hein? Ah, c'est pour un ça enfant que de la trappe. Je demande. Non, nous, on te regarde avec des grands yeux parce que, tu vois. On est des 90, nous, tu vois, donc tu vois, on tombe un peu de haut, tu vois. C'est qui le plus ancien rappeur que t'as écouté? Le plus ancien, 50 Cent. Ah ouais, ok. Yes. Attends, tu m'as dit 17 piges. Ah ouais, ok, ok. Et en France? Pour en France, j'écoute pas, j'écoutais pas les anciens rappeurs. Hein. Booba. Booba. Ouais. Il a dit que Booba. Ouais, Booba. Ok. Ok, donc tu m'as dit que vous êtes en mode. On fait de la trappe. Ouais. Et est-ce que tu serais ouvert à faire autre chose? Tu vois? Peut-être que. Je sais pas. Bah, oui. Parce que déjà, ils cherchent un autre studio, il y a de l'autotune. Donc, ouais. C'est mais si tu fais. Du coup, si tu prends l'autotune, ouais. Tu vas t'en servir pour faire quel genre de morceau? Baby. Bah. C'est pour les refrains en fait, le plus c'est pour les refrains, pour mes couplets il n'y a pas besoin, mais pour les refrains il faut ajouter une touche tu vois, parce que sans autotune ça, il manque quelque chose, okay. Et je voudrais bien en rajouter sur le refrain tu vois, genre pour que ça pète plus en fait. Pourquoi tu fais pas venir une meuf tout simplement? Une meuf? Ouais, qui chante. Il n'y a pas de meuf qui chante ici. Ah, si tu cherches t'en as hein. Ouais mais ça me correspond pas. Mm-hmm. Il faut qu'elle chante sur de la trappe hein, gros aussi hein. C'est... Ah, on peut trouver, hein. Moi j'en connaissais qui chantaient sur du tout, hein. Sur de la trappe. Ouais, mais là tu parles d'une époque. Après, je sais pas, je suis peut-être pas assez dedans pour. Ouais, t'es pas dedans. Je vais pas me prononcer. Ne te prononce pas. C'est tout ? Ok. D'ailleurs, utilisation de l'autotune, t'as déjà testé ou... Non, jamais testé. J'ai jamais testé. J'y connais pas encore en autotune. Ok. Parce que c'est quand même un correcteur de notes, tu vois. Donc ouais, si, ouais, ouais, ouais. Si de base. Mais tu sais chanter de base, voilà, ou pas si de base, tu sais chanter. Non, moi je fais que de rapper, moi. Je sais pas chanter. Chanter. Ah. Tu chantonnes, quoi. Tu fais. Ouais, ouais voilà. Chantonne ouais. Voir un petit truc, là. Non, mais c'est vrai. Ah, mais, mais comme ça, on te dit tout de suite si l'autotune c'est bon ou c'est pas bon. Ah, mais je sais pas, genre. Genre, c'est pas mal. Donne-moi une phrase. Y a quoi comme refrain? Un refrain connu. Y a quoi comme refrain connu chanté là? Tu sais quoi le refrain connu? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Wesh le gang. Tu vois, j'arrête comme ça. C'est pas chanté. Ouais, c'est bon, ça passe. Toi, tu passes. J'ai entendu deux, trois notes, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Si tu devais, bref, ouais. Tu suis un peu le rap local ou pas? Le rap d'ici? Ouais, j'écoute Edinho, Ewood, tout ça. Ouais, je trouve qu'ils font du bon travail, j'aime bien moi. Et si tu devais mettre des mecs en avant chez toi, enfin là dans le coin, ouais. ce serait qui et pourquoi? Edinho. Ok. Parce que j'aime bien son style, genre il dégage quelque chose que les autres n'ont pas, tu vois, pour mon avis à moi, c'est personnel. C'est-à-dire? Bah sa façon de rapper en fait, il est cru. J'aime bien en fait comme. C'est un comme sushi, c'est un sushi en fait. Pour toi, Edinho, c'est un sushi. Non, mais genre, j'aime bien comment il pose. Genre, il est cru en fait. Dans ses paroles, tout ça, genre, ça passe bien. Tu peux nous citer un de ses textes ou pas? Ah, une non. Phrase à lui? Ah non, je connais pas trop. Genre, okay. J'écoute comme ça. Genre, j'ai écouté 2-3 sons. Mmh. Et franchement, c'est lui qui m'a le plus marqué en fait. Ok. Okay. Si demain, par exemple, Bogota, il dit. Ouais, c'est bon, moi, le délire là du groupe, tout ça, j'arrête. Est-ce que toi, tu serais prêt à continuer en solo? Ouais, ouais. Bon, moi, ça me dérange pas, moi. Moi, je continue, vu que j'aime bien faire ça, en fait. Et avec lui, c'est bien. Genre, on est deux, on se donne des idées à deux, c'est mieux. Mais s'il arrête, bah, moi, je continue, parce que j'aime bien ce que je fais, en fait. Et voilà. Ouais, tu le fais pour le kiff, quoi. Ouais, moi, je fais que pour le kiff, en fait. Je vais juste poser la question autrement. Ouais. Imaginons, là, ce soir, là, il y avait un cachet à la clé. Genre 60 000. Ouais. Ok. Lui, il n'est pas venu. Ouais. Tu ferais quoi? Tu ferais 50-50 avec lui? Ouais. Ok. Ouais, bah ouais. Malgré qu'il soit pas là. Ouais, que... c'est pas grave. Bah, il était avec moi dès le début, du coup. Ouais. Je vais pas. Je vais pas cracher sur son dos. Je donne. C'est comme ça. 50-50. Tu vas pas arriver. Ah, oh, ils m'ont donné 15 000. Ce matin. Ah, ils m'ont donné 15 000, tiens. C'est déjà 5, pas mal. Tiens, c'est déjà gros. Pas mal. Non, je fais moitié-moitié. Ok, ok. Moitié-moitié. Parce que malgré, même s'il arrête ou quoi que ce soit, je dois ma part, en fait. Je lui donne. On a commencé ensemble. Ah, là, c'est enregistré. Hein. Là, c'est enregistré. Ah, donc, c'est... ce que tu dis, moi, que si demain il arrête, tant que tu continues et que tu perces. Moi, je lui donne d'abord. Toujours 50-50. Ouais, non, mais pas 50-50. S'il arrête. Je donne une petite part. Ça commence à changer. Ah, mais s'il continue avec moi, là, s'il continue avec moi, il peut pas venir. Exemple, il y a un moment, il peut pas venir, un événement. Mm-hmm. Bah, je fais 50-50 avec lui. Ouais. Mais après, t'as dit. Même mais s'il arrête, je donne pas 50-50. Uh-huh. Faut être logique. Change. Ouais, faut donner une petite part. Ok. Et lui, il fera pareil pour toi? Bah, je pense. Hein. On se connaît, ça fait longtemps quand même, mais c'est comme ça. On a une mentalité comme ça, en fait. Ça fait combien? Ça fait maintenant 3 ou 4 ans. Ah, 3 ou 4 ans, c'est pas longtemps. Hein. Ouais, mais quand même. Du coup, à mon avis, vous êtes des potes. Ouais, on s'est connus au lycée. Et on sort toujours ensemble, on a toujours été ensemble. Après, ça ne regarde pas. Ouais, y'a pas de soucis. Vous sortez ensemble. Mais... on n'est pas contre, hein, mais. Ouais, bon, voilà. Ok. Ok. Ouais, voilà. Puis vous êtes parti dans ce délire-là. Ouais, voilà. C'est ça. Si tu devais. Du coup, je te pose la question à toi. Hein, peut-être que Bogota, il aurait eu d'autres réponses, mais je te les pose à toi. Ouais, pas de soucis. Si. Perspicace, toi. C'est vrai. Si demain, là, on peut te trouver. Un featuring, une tête d'affiche, un mec du moment ou même on s'en fout, tu vois. Ouais. Tu prendrais qui, là, en featuring? Maintenant, là, Ninho. Ninho. Ouais, Ninho. Et pourquoi? Parce qu'il a une bonne influence et il s'adapte sur tout, moi, je trouve. Il est bon. C'est le meilleur pour moi, en France. Ok. Ouais. T'aurais pas peur là de te lancer en featuring direct avec Ninho là? Bah si, quand comme même, il y a des appréhensions, tu vois, genre c'est quand même quelqu'un dans le rap. Je rebondis encore. Tout à l'heure, t'avais dit que tu t'es demandé pourquoi toi par rapport à un autre, t'as dit parce que toi particulier, tu t'adaptes tout ça. Et prendre Ninho en featuring, c'est pas faire un peu comme 95% du rap game en ce moment? Il est surtout les singles là, Ninho. Ouais, je sais, mais bon, c'est le meilleur, c'est pour ça qu'il est surtout. Ah, mais donc tout le monde se lavage, quoi. Tu différencies pas forcément. Bah, sur ça, non, pas trop. Ah, c'est un choix. Hein. Non, bah, c'est un choix. C'est pas une critique, c'est un constat. Ouais. Après, il sait aussi que s'il y a Ninho, il y a Beef aussi. Ou pas. Bah. Oh, quand même. Mais là, tout de suite, là, oui, depuis le début de l'année. Hein. Quand même. Et donc, toi qui es entre guillemets un enfant de la trappe. Ouais. Pour toi, la période. De l'âge d'or du rap français, ce serait quand? 19 ans. Non, vous êtes mal compris. Ouais. Non, c'est... en fait, tu vois, nous, on va dire les générations 90, on va dire que nous, enfin, je vais peut-être pas parler pour Junès, mais par exemple, nous, l'âge d'or du rap français, j'avais à peu près 10 piges, donc on va dire que c'est entre, 2000 et... Allez, on va compter en 10 années, tu vois. Ouais. 2000 à 2010, pour moi, c'était un truc de ouf, tu vois. C'était le rap, tu vois. Et quand je réécoute ça, je suis comme un dingue, tu vois. Ouais. Et du coup, je te pose la question, toi qui as 17 piges, est-ce que là, pour toi, t'es dans l'âge d'or? Est-ce que... Enfin, je sais pas, tu vois. Putain, t'es né en 2002. Enfin, excuse-moi, non, je viens de... 2001 Ouais. Okay, t'as fait le calcul. Ouais. Mais enfin... Pour moi, le rap, pour moi, genre, le meilleur temps du rap, c'était pour moi, c'est 2014 jusqu'à 2019, jusqu'à aujourd'hui. Quoi. Ok. Et voilà, c'est. Est-ce que ça coïncide avec le moment où t'as commencé à écouter du rap, en fait? Comment ça? 2014, c'est là que t'as commencé à écouter du rap, non? Ouais. Ouais. T'avais quoi? T'avais 13 ans? Ouais, 13 ans, ouais, 12, 13 ans. Et t'as commencé à écouter du rap à cette période-là, du coup? Ouais. Ok. Ok. Ouais, c'est de toute façon, je pense que. T'es au début, quoi. Ouais, au début. C'est ça. C'est ce qui te marque, après ça te marque à vie, hein, je pense que c'est ça. Et le rap actuel, du coup, le rap de maintenant. Ouais, c'est quel... Ouais, mais là, tout de suite, aujourd'hui, c'est quoi ton avis? Bah, franchement, aujourd'hui, le rap, en fait, ça s'est diversifié, tu vois, tout le monde peut écouter du rap maintenant. Ça passe à la radio, ça passe partout. Et je trouve que si tout le monde écoute, si ça passe à la radio, c'est dire que ça a une bonne influence, tu vois, et que c'est bon. Moi, tout ce qui se fait en ce moment, bah, c'est bien vu que ça pète. C'est-à-dire que les gens, ils aiment bien, au fond. Ok. Est-ce que tu vois des points négatifs dans peut-être dans les messages ou dans ce qui se passe? Ou est-ce que pour toi, si ça pète, c'est que ça doit péter et c'est bon, quoi? Ouais, si ça pète, bah, c'est comme ça. T'as pas le choix, en fait. Si ça pète, c'est que ça doit péter. Ça doit péter. Ok. Merci en tout cas, merci pour toutes ces réponses. Moi j'ai fini mon interview. Junès, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Avant non, le petit jeu là. Non, après, non, juste là, si ça pète, c'est que ça doit péter, mais il faut du travail aussi, tu vois. Ouais, bah oui, bah. Il suffit pas d'attendre, si ça pète, c'est que ça pète. Non, faut travailler, faut persister en fait. Mm-hmm. C'est ça. Faut jobber. Hein. Yes. Écoute, je te propose un truc, il me reste un dernier morceau. Ouais. Le dernier morceau, c'est Noir. Ouais. Il dure 4 minutes. C'est ça. Comme tu m'as dit que quand tu vas faire des sons, tu arrives au studio, tu ouais. choisis l'instru 20 minutes avant, tout ça. Ouais. Nous, on a un petit jeu qui devrait te plaire. C'est la rime facile. Ouais. Donc en fait, pendant la diffusion du dernier morceau, je vais le mettre, au pire, je vais le mettre deux fois. Ok. Je le mets deux fois. Ouais. Ça te fera 8 minutes pour gratter. Ok. Tu nous grattes un petit truc. Toi, t'écris sur téléphone, je pense. Ouais, ouais. Je t'impose 10 mots. Enfin, moi, j'en ai 8. Et puis, Alvaro et Jones, il en a 2. Ok. Ok. T'as de quoi noter, là ? Ouais, ouais, ouais. Donc, le premier... Bon, c'est assez simple. J'ai repris un peu ben, les blazes, les délires, les clips, un ouais. peu votre univers, tu vois. Donc, le premier mot, c'est Moody. Ouais. Très simple. Deuxième, Bogota. Ouais. Troisième, Bush. Comme George Bush. Ouais. Quatrième, Trap. Ouais. Cinquième, Quad. Ouais. Sixième, Basket ou Basketball, comme ouais. tu veux. Après, j'ai mis Baccalauréat parce qu'on est dedans. Okay. Vacances parce qu'on est dedans aussi. Okay. Et puis les deux derniers mots, je laisse Jounès choisir. Tu connais un peu le foot ou pas? Ouais, vite fait, ouais. Robben, tu connais? Qui? Robben. Ouais, ouais, ouais. Robben. Et le deuxième, c'est... Tasse. Comme tu veux. Soit tasse de thé, soit tasse. Tasse de lit. Okay. Tasse de lit. Ah, je t'applaudis pour celle-là. Merci. Merci. Ok. Donc, je te redis les 10 mots. Moody, Bogota, Bush, Trap, Quad, Basketball, Baccalauréat, Vacances, Robben et Tasse. Comme tu as envie de le mettre. C'est okay. bon. Ok. Donc ça, c'est la rime facile. Je te balance deux fois le son Noir. Je te laisse gratter dans ton coin. Tu nous fais la rime facile a cappella ou sur une instru ouais. comme t'as envie, tu me diras. Et puis après, on passe direct dans la partie freestyle. Ok. C'est okay. bon quoi. Ok. Yeah, la 25e. On est là jusqu'à minuit. Gros. Il est 22h57. Qu'est-ce que tu dis? Yeah, la 25e. Oh, big up Arizzo. Avec ses cris de corbeau. On est là jusqu'à minuit, il est 22h57. Ça prépare la rime facile. Je vais balancer deux fois le dernier morceau, c'est Noir. Je fais un big up à Bogota, du coup, qui n'est pas venu ce soir. J'espère que tout va bien pour toi. Allez, c'est parti. Juicy Beats. Volant à ma droite, pétasse à ma gauche, deux numéros au téléphone, j'en passe un pour la daronne et l'autre pour la sista. Trop de pétasses devant la crasse, fume mon cohiba devant ma téloge. Et ta pétasse veut me galoche. Détaille les 30 gueuches dans la mégane, je vois que des gueuches. Un voleur dans le jardin, explose ami, tu connais, on veut tout, on explose tout, je porte mes couilles. Si tu veux me la mettre, attends-toi au pire. Oh là là, mais voilà, laisse-moi 2 minutes. Je vais te disparaître en 4 minutes. Je vais te faire couler du sang. Et tu vas rentrer dans ta house en courant. Ah. Dégaine à la Cavani. Que des pétasses, alias 2S au micro. Ah. Je dégaine mieux que ton mec. Je pense tous les jours au bénéfice. Demande pas de top, je vais à tous tes rooms. On va me comprendre dans 5 ans. T'entends le démon, 808 chevaux sous le capot. Volant à ma droite, pétasse à ma gauche. On te retrouve dans une boîte. Je fais mon boulot, aucun regret. Je raconte pas ma vie à des coups. J'irai au bout de ma mission, même si je souris pas. Tout est réel, rends mes affaires. On n'a jamais été ensemble. Je rêve d'un RR dans une CTR. J'ai les secrets de ma recette. Step sur la détente, tu sauras rien de plus. Comme à Dallas, plein de pétasses. Je vous mets des fouilles in your face. In your face, bitches. L'ennemi d'aujourd'hui n'est que mon poteau d'hier. J'ai confiance en personne, sauf à Moody mon frère. Le respect se mérite, cette phrase faut que tu la médites. J'ai trop donné sans rien en retour. Je préfère crever seul comme un chien. On m'a fait la misère, maintenant c'est ton tour. Je souhaite le mal à personne, je veux ton bien. Pour ça, je te tire dessus pour que tu ressentes rien. Hein, hein, petit fils de ta lettre, tu l'auras que dans tes rêves. Ici, trafic, chantage, hold up, jamais de rêve. Viens par là que je te toque, tu me le tends. L'autre jour, je me lève, j'ai la barre, putain de merde. T'as fait un pacte avec les ténèbres. Une bastos, ton équipe se dissout. On est sur tes côtes, si tu dois des sous. Je suis dans les chiffres et les affaires. Faut faire des sous, doubler le salaire. Le parcours de mon père me fascine.